Dernier flex MC. Chef Ida. Bourrette Majou. C'est parti. Aïe, laisse tomber Khalina. Ou ma wélo ya hadroubina. Vas-y, vas-y, khouna. Direction Barcelona. Finish à nous. تعلم غ